Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Bastien Sibyl. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette sixième et nouvelle saison, le podcast il est toujours soutenu par la NEF, qui est une banque éthique coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent et elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Et c'est grâce à la NEF que moi je continue à donner la parole à des personnes inspirantes, des personnes comme Bastien. Je suis content de te donner la parole. Aujourd'hui, Bastien, toi tu es, pêle-mêle comme ça, président de l'opération Milliard, secrétaire général de COPFR, cofondateur d'Helicorne et de Mobicop. Aujourd'hui, moi je t'interview vraiment avec ta casquette de l'opération Milliard, même si je suis sûr que tu seras obligé d'une certaine manière de nous parler de tes autres activités qui sont liées. L'opération Milliard, pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, c'est une force civile d'action pour la transition juste de l'économie qui a pour objectif de réunir 1 milliard d'euros pour financer les organisations qui sont porteuses d'innovations sociales, écologiques et démocratiques sur tous les territoires. Ensemble, nous allons donc parler de coopération, de confiance et plus globalement de comment remettre notre économie à sa juste place et dans le bon sens. Bastien, pour commencer cet échange, je te pose la même question que je pose à tous mes invités en début d'interview, à savoir, tu es dans un événement où tu es face à des inconnus et arrive la question fatidique, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu réponds maintenant en 2025 à cette question, toi Bastien? Bah écoute Julien, d'abord, c'est toujours effectivement une question assez redoutable parce que moi je pense avant tout que les hommes, les femmes sont des personnalités complètes. Donc je vais bien sûr te répondre sur le fond de mon engagement civil et économique, mais j'aurais envie de te parler aussi de montagne, de mes enfants, d'autres choses qui comptent énormément pour moi. Mais maintenant, pour aller au fond de ce qui est de ce qui est ta question. Moi, je pense que j'agis depuis maintenant presque 20 ans, en fait, hein, pour essayer de transformer sur les plans sociaux et écologiques l'économie. C'est une action que j'ai menée d'abord et principalement sous une forme économique, puisque j'ai créé des entreprises de transformation sociale et écologique, j'ai créé des coopératives. Tu as mentionné les licornes que j'ai présidées et co-créées pendant 2 ans, qui est une alliance de coopératives de la transition. Donc, je pense que je suis avant tout un acteur économique. Et puis, j'ai un deuxième versant qui me prend moins de temps, mais qui est quand même très important pour moi, qui est celui de la pensée, de l'enseignement, de tout ça, puisque j'ai commencé, la fin de mes études, j'ai fait un doctorat en Amérique du Nord, au Canada, sur les questions de logiciels libres, et l'action de penser l'économie et sa transformation, pour moi, est très importante, et je lui donne une suite aujourd'hui à travers une masterclass qui s'appelle Autonomia, dans laquelle on essaye de lier des grands textes et des actions civiles. Voilà, bon, tu vois, ça fait tout un petit tour, mais je suis heureux qu'on puisse en parler plus à fond aujourd'hui ensemble. Ouais, on a le temps, hein. Tu sais, on est dans le cadre du podcast et c'est chouette de se dire qu'on a bon, potentiellement 45, 50, voire 55 minutes ensemble. Ça nous laisse le temps d'aller au fond de certains sujets, pas de tous les sujets. Je me rends compte que même en une heure, en fait, on a tellement de portes qu'on ouvre et qu'on ne refermera pas. Mais ça donne en tout cas l'occasion aux gens de te découvrir s'ils ne te connaissaient pas encore et puis peut-être de t'entendre sur des sujets sur lesquels ils ont moins l'habitude de t'entendre. Et en plus, nous, on s'est déjà parlé. Et on en parlait tout à l'heure alors que le micro était encore fermé de cette interview qu'on avait fait ensemble à l'époque du podcast Ça commence par moi l'émission. Il me semble que ça date de 2019. Tu venais nous parler de Mobicop. Bref, c'est fou de se rendre compte que on a encore des personnes qu'on croise comme ça 7, 8 ans plus tard et qui sont toujours là, toujours engagées. Moi, je trouve que ces personnes, elles sont rares et qu'il faut célébrer ces engagements du temps long. Donc, rien que pour ça, je te félicite, Bastien, et je suis content de te parler et de voir que finalement, tu continues à tirer un peu la même ficelle, j'ai l'impression. Oui, alors je voudrais appuyer ce que tu dis là, parce que c'est une chose que je dis assez régulièrement dans mes interventions. On est là pour mener des actions qui doivent s'inscrire dans le long terme. Alors, je sais bien que disant cela, ça peut hérisser le poil un peu de certains, puisque on a une forme d'urgence climatique et bien sûr, le fait de s'inscrire dans le long terme ne retire en rien à l'intensité de notre engagement à court terme. Mais il faut quand même se préparer à une bataille qui est une bataille du long terme. Et là-dedans, eh bien, la permanence des engagements, nos capacités aussi à les vivre sans s'épuiser, et ça, c'est une chose à laquelle je suis de plus en plus sensible, parce que je vois des hommes et des femmes qui, au bout de 20 ans d'engagement, 30 ans d'engagement, finalement n'en peuvent plus, et sans doute cette forme de ras-le-bol ou de enfin pas de ras-le-bol, le terme est mal choisi, mais plutôt de prélude à une forme de découragement est à l'initiative à l'origine de l'opération Millard, qui a cherché à rendre compte de la qualité de ses engagements en disant que l'ensemble de ses engagements vaut plus qu'un milliard. C'est pour dire qu'on a beaucoup de valeur. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, le fait qu'on sache s'engager dans le temps long et qu'on sache se reconnaître là-dedans, bah, je crois que c'est important. On a besoin de cette confiance-là entre nous, surtout aujourd'hui, hein, et dans le contexte politique très particulier qui est celui de l'enregistrement de cet entretien. On a besoin de cette confiance entre nous pour envisager l'avenir sous une forme peut-être un peu plus heureuse et joyeuse que ce que nous renvoient les médias. Et puis, de manière stratégique, on a besoin d'être de plus en plus nombreuses. Et c'est sûr que la quantité ne fera pas tout, mais c'est quand même déterminant. Et donc, de savoir que voilà, vont rejoindre les rangs de nouvelles personnes et que ces rangs vont tenir et vont pas s'étioler, vont pas s'affiner, se désépaissir dans le temps parce que il va y avoir potentiellement plus de sortants que d'entrants, c'est quand même hyper important. Et encore une fois, j'utilise le mot stratégique à dessein. Est-ce que toi, tu as théorisé au moins réfléchi à ce qui te fait tenir et à ce qui te permet de tenir? Est-ce que tu as un conseil, quelque chose qui te permet d'avoir cet équilibre qui, j'ai l'impression, te nourrit plus qu'il te fatigue, plus qu'il t'affaiblit et que tu veux livrer peut-être à des militantes, à des militants qui nous écouteraient et qui se diraient, bon, bah, c'est vrai que moi, de temps en temps, je me dis que je suis pas loin du burn-out militant et ça me fait peur. Oui, alors je vais bien sûr répondre à ta question, mais je pense qu'il faut qu'on élargisse cette question, pas seulement aux militants et aux militantes, mais à l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Et j'ai envie de dire précisément aujourd'hui, hein, on est en février 2025, on vient de subir un mois extrêmement violent d'attaques démocratiques menées par l'administration Trump. Je pense que ce dont on se parle aujourd'hui concerne l'ensemble des démocrates européens, mais aussi d'Amérique du Nord, mais aussi de l'ensemble du monde. Des gens T'as raison de le dire, Bastien, parce que moi, je l'entendais peut-être un petit peu justement dans ce sens-là, dans l'idée de se dire qu'aujourd'hui, être militant, c'est une personne qui se redresse, une personne qui résiste, une personne qui se laisse pas faire et qui a envie de porter plus haut ses valeurs de toutes les manières qu'on peut bien imaginer. Donc, effectivement, c'est peut-être pas que sur le rang associatif, peut-être pas que dans l'imaginaire du militant classique, par la grève, par la désobéissance ou ce genre de choses, mais tu fais bien de le repréciser. Toute personne qui aujourd'hui se construit dans son identité politique en affichant son affection et sa volonté de défendre les institutions démocratiques se place dans une action qui est proche du militantisme parce que la démocratie est attaquée. Et donc, pour répondre maintenant à ta question, moi je crois beaucoup en l'action, c'est-à-dire je pense qu'il faut agir pour ne pas se laisser emmener dans des formes dépressives finalement que veulent nous imposer, ou des formes plutôt de sidération dystopique. J'ai envoyé là un mot à l'ensemble des 2500 personnes de l'opération Milliard pour leur dire ça. C'est-à-dire, il y a une forme de sidération face à l'énormité des attaques contre la démocratie, sidération au sens de je n'arrive plus à bouger, quoi. Je suis sidéré. Ouais, c'est ça. Et cette sidération est dystopique parce que ces attaques sont des attaques qui nous emmènent vers une utopie noire pour la démocratie. Bon. Et donc, je pense que face à ça, d'abord, l'action permet de continuer à s'ancrer dans la réalité, c'est-à-dire il faut rester collé à la réalité. Non, le monde n'est pas celui dont Trump nous renvoie à une image qui est déformée. La réalité existe, restons-y collés, agissons, premièrement. Et puis, deuxièmement, moi, ce qui me permet de tenir, c'est vraiment c'est une forme de confiance, et peut-être qu'on y reviendra plus loin, mais c'est une forme de confiance dans les personnes que je rencontre et qui chaque jour me montre que cette confiance vaut la peine d'être chérie et d'être augmentée. Je suis intervenu la semaine dernière avec Olivier de Scutter à Die. Écoute, je connaissais pas vraiment Die, je l'avoue très honnêtement, c'est vers Valence. Il y avait 250 personnes, citoyens, citoyennes du territoire de la Drôme. Les gens sont là. Ils sont mobilisés, ils ont envie de construire un monde qui soit meilleur pour demain. Ils ne disparaissent pas dans la violence de ce que nous renvoient les médias. Ils continuent à exister, à agir. Donc, dans cette reliance entre nous et cette confiance qui peut en être, moi, en tout cas, je tire beaucoup d'énergie et de solidité. Hein, et de solidité. Bastien, tu utilises les mêmes mots que Claire Nouvian à la fin du documentaire Nature qui est passé sur M6. Bon, c'est un peu bizarre de se dire que c'est un documentaire pose un peu les bases des enjeux, pas que écologiques, mais quand même c'est beaucoup centré autour de ces questions-là de notre époque, co-créé par Yann Arthus-Bertrand et Anne-Sophie Novel. Et à la fin, il y a une quinzaine de minutes, j'ai l'impression, peut-être une vingtaine de minutes, de paroles de femmes qui nous racontent pourquoi, comment elles agissent à notre époque. Et Claire Nouvian utilise peut-être 10 fois le mot « agir, action » dans son intervention, et c'est exactement ce que tu dis. Je me disais à la fin de ce documentaire, tiens, j'ai peut-être pas l'impression d'avoir appris grand chose, mais une heure et demie de beauté parce que les images sont sublimes, et puis voilà, ces témoignages de femmes aussi puissants m'ont fait beaucoup de bien et continuent de me faire beaucoup de bien quelques jours après. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu ce documentaire, je vous recommande vivement d'aller le regarder. Il se trouve en replay facilement sur M6. Peut-être que tu l'as vu d'ailleurs. Alors je ne l'ai pas vu. Mais je souligne dans ton propos la parole des femmes, et je veux dire à quel point je suis préoccupé de l'immense recul hein, dans les mobilisations féministes, l'immense recul non pas de ces mobilisations, mais plutôt de ce que nous avions gagné à travers elles ces dernières années. Donc, je veux dire ma solidarité et surtout. Ma vigilance, parce que dans le retour triomphant du virilisme et du patriarcat qui nous est proposé outre-Atlantique aujourd'hui, il faut bien comprendre que ça ouvre des brèches qui sont des brèches pas du tout médiatiques ou uniquement sémantiques, hein. Ce sont des brèches réelles dans les entreprises, dans la réalité de ce que les femmes y vivent, et en repoussant les limites de l'acceptable sur le plan verbal ou médiatique, en fait, la réalité que vivent les femmes, alors moi je parle de l'entreprise parce que c'est le monde que je connais le mieux, en est affecté. Et moi je n'ai jamais vu que le virilisme, que l'agressivité, que le patriarcat crée de la valeur en entreprise. Je l'ai toujours vu en détruire, hein. Et donc je suis très très préoccupé, très préoccupé de ça, et d'autant plus que on sait à quel point la parole féminine, qu'elle émane de femmes ou d'hommes d'ailleurs, telle n'est pas vraiment la question, est importante pour concevoir et construire un monde en transition écologique et sociale. Donc j'ai pas vu le documentaire, mais je ne suis pas surpris que ces femmes que tu mentionnes y aient tenu ces paroles. Tu me fais la transition parce que la transition parfaite, parce que en général, bah, j'en viens tout de suite à dire, mais en fait, c'est notre époque actuelle qui est décroissante, et moi, je travaille à faire mieux voir les croissances, les nouvelles croissances parfois qui nous attendent dans ce que j'appelle les 2030 glorieuses. Si on changeait d'air, de montrer tout ce qu'on a à y gagner. Et j'ai l'impression, heureusement et sans doute malheureusement, qu'aujourd'hui c'est presque beaucoup moins difficile de dire à quel point c'est notre époque qui est décroissante, parce qu'il y en a qui travaillent très dur à l'afficher haut et fort et presque même à s'en prévaloir. Et effectivement, c'est de la décroissance de liens, de sens, mais aussi de droits fondamentaux. Et elle est terrible, elle est dure cette époque, on a envie d'autre chose, et toi, on l'a dit, à travers plein de missions, travailles à, je pense sincèrement, sans attendre, faire émerger ces nouvelles croissances. Si tu devais les qualifier, plutôt que de dire comment tu y travailles, mais vers quoi tu nous emmènes, qu'est-ce que tu nous parlerais, qu'est-ce que tu nous raconterais, de quoi tu nous parlerais comme croissance? Tu as commencé peut-être un peu le faire. Est-ce que c'est la croissance de la coopération, la croissance de la confiance? Est-ce qu'il y a quelque chose encore plus profond qui chapeauterait tout ça? Je pense que les termes que tu proposes là, moi en tout cas, me conviennent tout à fait. C'est-à-dire, d'abord, alors surtout quand je présidais les licornes, on me posait cette question de la croissance et de la décroissance. Bon, moi je crois qu'il y a des choses qui doivent croître et des choses qui doivent décroître. Donc le sujet n'est pas est-ce que c'est moins ou est-ce que... Le sujet est de transformer ce que nous produisons et la façon dont nous le faisons. Donc dans cette transformation, ce qui doit croître, c'est bien sûr la coopération et la paix. Alors je dis bien sûr, c'est mon credo à moi, mais en tout cas pour moi c'est assez évident. Donc moi je travaille à ce que les formes coopératives de l'action économique soient de plus en plus présentes sur les marchés, parce que dans la coopération, dans sa formalisation économique à travers des sociétés coopératives, eh bien il y a des façons de produire qui sont plus respectueuses du lien social, de l'écologie, de la diversité, des relations entre les hommes et les femmes, etc., que dans le reste de l'économie. Et donc, moi, je crois fermement que la forme coopérative, c'est-à-dire des formes dans lesquelles les décisions économiques sont reliées à des coopérations entre des hommes et des femmes qui s'expriment de façon démocratique dans des assemblées générales et non pas reliées à des décisions liées à l'augmentation de la richesse capitaliste qui est embarquée dans les patrimoines d'entreprise. Eh bien, je crois que ces formes sont plus en adéquation avec ce que notre époque doit produire. Donc D'abord, effectivement, si je pouvais d'un coup de baguette magique dire qu'est-ce qui devrait avoir cru en 2030 et peut-être même en 2050, eh bien, il y a ces formes coopératives. Donc, je veux tout de suite dire que, parce que le monde coopératif est un monde qui est vaste, hein, je mentionne pour les auditeurs et les auditrices qui ne le sauraient pas, mais c'est quand même presque 380 milliards d'euros de chiffre d'affaires, annuel, c'est 22 000 coopératives, c'est 1 200 000 salariés, donc c'est un mouvement économique qui est important, hein. Et donc, bien sûr, il est vaste, et bien sûr, il est imparfait, comme toute chose qui se coltine, pardon pour l'expression, mais qui se coltine la réalité de l'action, quoi. C'est-à-dire, c'est pas de la théorie, hein, ce sont des forces agissantes, et donc, quand on agit, eh bien, bien sûr, tout est toujours perfectible, mais globalement, la coopération y prévaut, et donc ça, c'est important. Un mot de ce qui devrait croître aussi, et que sans doute je n'aurais pas dit de cette façon il y a 2 ans, et en tout cas, à coup sûr, puisque tu mentionnais notre interview il y a 5 ans, c'est sûr que j'avais pas ça en tête il y a 5 ans, enfin, en tout cas de façon beaucoup plus lointaine, mais aujourd'hui, il y a un sujet radicalement important autour de la paix et de la démocratie. Et donc, ce que je souhaite cette fois en tant que citoyen, c'est que croisse dans les prochaines années un contexte socio-politique, institutionnel, dans lequel, et géopolitique, dans lequel la paix, comme bien fondamentale, parce que je veux rappeler à nos générations qui n'ont pas connu la guerre, à quel point celle-ci est terrible, en fait, hein, et que la paix est sans doute un de nos biens les plus précieux, et que à ce jour, la démocratie, qui est elle aussi imparfaite, comme l'est la coopération, demeure le système politique le plus performant que nous ayons connu pour garantir la paix civile et la paix entre nations. Et je le dis avec quand même un peu d'émotion ce matin, parce que les nouvelles qui nous parviennent, bien sûr, d'Ukraine, mais dans cette perspective-là, d'Amérique du Nord, de Russie, je pense aussi bien sûr à Gaza, hein. Ces nouvelles sont inquiétantes, et donc je pense que on va s'en reparler sans doute, mais on a là une zone de vigilance immense à observer. Bastien, là, avec ce que tu es en train de dire, moi, je te livre une analyse sans doute bien trop à chaud et puis aussi très naïve. J'ai quand même l'impression, j'ai envie de me raccrocher en tout cas au fait que face à tout ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis, j'ai l'impression que ça nous oblige et que ça nous oblige à nous positionner. On ne peut plus continuer à tenir le compromis mou qu'on se permettait de tenir jusqu'à présent. Et peut-être que finalement, les livres d'histoire diront d'une certaine manière que avoir eu l'élection de Donald Trump plutôt que de Kamala Harris a permis de précipiter une transformation et qui finalement s'en est retrouvé être pour le mieux. Et notamment en ce moment, ce qui est en train de se passer, ou encore une fois, ce à quoi j'ai envie de me raccrocher, c'est qu'il y a la résistance qui s'organise. On entend certains médias qui sont plus francs, qui ont une parole plus ciselée pour dire ce qui est en train de se passer et montrer la contre-vérité qui vient du camp Trump. On a des personnes qui s'organisent pour la résistance. Peut-être que tu as vu passer cette info sur le projet Gutenberg, qui est une plateforme de téléchargement libre de livres en ligne. Le livre le plus téléchargé en ce moment aux États-Unis, c'est un livre sur la résistance et tous les actes de sabotage. Et j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que l'opération Milliard, elle vient aussi un peu de cette énergie de la résistance, de la stratégie, de se dire en fait, ce qu'on fait avec nos créations d'entreprises, de coopératives, c'est plus suffisant. Il faut qu'on s'organise avec un but précis, ciblé. Et est-ce que je me trompe? Est-ce que l'opération Milliard, elle vient d'une autre énergie? Et dis-moi un peu où vous en êtes de cette opération, s'il te plaît, et même peut-être un peu quels sont les défis de cette année et comment nous, on peut vous aider dans votre opération là, qui est peut-être un point un peu crucial en 2025. Tout à fait. Bah, écoute, c'est marrant que tu l'approches comme ça, parce que effectivement, on a lancé l'opération Millard comme un acte de résistance économique en disant, mais en fait, on a tout ce qu'il faut sur l'ensemble de nos territoires, on a l'ensemble des initiatives socio-économiques qui nous permettent de faire la transition. Et en fait, le seul sujet que nous avons, c'est surtout un sujet de moyens. Et donc, le fait de voir passer des milliards vers des actions qui ne produisent aucune valeur sur le plan écologique et social, alors que nous en produisons tant, au bout d'un moment, ça a suscité chez nous une volonté de résistance. Et c'est tellement vrai qu'au moment du lancement, on a écrit un petit livre avec le grand résistant Claude Alfandéry, qui est mort la veille du lancement de l'opération Millard, que j'ai vu encore à l'hôpital la semaine qui le précédait, pour lui amener ce petit livre qui s'appelle « Nous résistons », et donc dans lequel on mettait l'exergue sur effectivement ce formidable potentiel de résistance à tout ce qu'on voit là sur le haut de l'iceberg médiatique et institutionnel, mais dont tu as tout à fait raison de mentionner que sur le terrain, la résistance en acte continue. Alors, nous, on a positionné cette résistance dans sa dimension financière. C'est-à-dire que après des années, enfin presque deux décennies à travailler sur le terrain, sur d'autres façons de faire, de produire. Tu as mentionné les licornes. Je veux quand même dire en deux mots. D'ailleurs, j'étais très heureux d'entendre dans ton introduction la mention appuyée de la NEF, hein, qui a aussi cofondé les licornes. Les licornes, des coopératives d'intérêt collectif qui travaillent pour une transformation radicale de l'économie avec des systèmes d'exploitation économique qui permettent de fournir de l'énergie, des biens, des services, de la banque, puisqu'on parlait de la nef, mais aussi de la téléphonie, enfin un ensemble de services. On les cite souvent et il y en a beaucoup qui sont passés déjà dans le podcast 2030 Glorieux. Je ne fais pas tout le descriptif, mais en tout cas depuis ce point de vue-là, si tu veux, ce que moi j'ai vu et puis avec moi un ensemble d'acteurs, c'est que ce qui nous manque, c'est du financement pour passer à l'échelle. Et il nous en manque pas de façon marginale ou anecdotique, il nous manque pas 100 ou 200 millions d'euros, il nous manque des milliards d'euros. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé l'opération Millard, opération Millard, c'est pour dire, écoutez, nous, les queues de budget, à l'heure où il nous faut faire la transition écologique juste, ce n'est plus possible, et c'est d'autant moins possible quand on voit l'affectation de valeur à des projets qui ont aussi peu de sens que, par exemple, je cite souvent cet exemple de cette start-up Sorare qui produit un système d'échange de cartes de footballeurs numériques qui est valorisé plusieurs milliards de dollars, qui fait des levées de fonds s'approchant du milliard. On n'a plus le temps pour ce genre d'affaires-là, en fait. On a besoin maintenant que nos capacités financières d'action soient massivement orientées vers ce qui fait que la société va pouvoir continuer à être la société. Et donc, on a lancé cette opération en se disant, maintenant, il faut que ça cesse, il faut qu'on puisse bénéficier massivement des investissements qui, et quand on se positionne en milliards d'euros, on n'est même pas encore en train de faire vraiment la transition, pour être tout à fait précis, on est en train de planter les graines qui nous permettent de faire passer à l'échelle des modèles qui, demain, quand ils bénéficieront, pour le coup, de centaines de milliards d'euros, de milliers de milliards d'euros d'investissements de la part des acteurs publics, de la part du système économique, parce que et les acteurs publics et le système économique n'aura plus d'autre choix que de considérer une transformation importante de ces modèles, alors ce que nous construisons aujourd'hui avec ce MIA, alors ce que nous construisons aujourd'hui sera utile parce que ça aura dessiné des modèles pérennes, écologiques, soutenables sur le plan social. Et donc pour faire ça, on s'est vite rendu compte que ce qu'il fallait, c'est que nous construisions une force d'acteurs économiques et civils qui puissent tout à la fois élaborer une expertise financière qui lui donne une légitimité auprès des acteurs financiers. C'est ce que nous faisons depuis 18 mois. Nous avons produit, sans doute y reviendrons-nous, une connaissance extrêmement fine et extrêmement précieuse des besoins de financement des acteurs de la transition juste. Donc, il y a cette dimension d'expertise, mais tout à la fois une force apportée par un ensemble d'acteurs pour que, quand nous discutons avec les opérateurs financiers, nous puissions apparaître comme étant unis et comme étant capables d'analyser dans son ensemble des pratiques et donc de pas prendre des vessies pour des lanternes. Et je le dis de façon très nette, il y a un ensemble de comportements financiers dont qui cherche à se prévaloir d'une action écologique et sociale, ne sont pas suffisamment cohérents dans leurs approches du financement. Il n'est pas normal que les coopératives de la transition aient autant de mal à se faire financer, alors qu'elles sont équilibrées, qu'elles sont solides. Ceci n'est pas normal. Et donc, il faut que nous puissions le dire de façon à la fois argumentée et puissante. Non, c'est pour ça que je te donne la parole. En fait, on va pas vraiment trop rentrer dans le fond de l'opération milliard, parce que j'ai envie aussi, tu vois, de créer un peu de frustration chez les personnes qui nous écoutent et qu'elles aillent creuser, qu'elles aillent sur votre site internet, qu'elles s'abonnent pourquoi pas à la newsletter. T'as eu toi l'occasion de développer le comment de manière beaucoup plus poussée dans d'autres formats et donc je me sens pas trop pertinent sur ce point précis. Par contre, en fait, et c'est ma dernière question, je trouve que ce qui vous différencie, c'est la mise en récit de cette opération pour justement essayer d'accentuer la désirabilité de ce mouvement et à travers ce mouvement les coopératives qui pourraient être financées comme des acteurs économiques en fait non seulement essentiels mais désirables et souhaitables, enthousiasmants et inévitables en fait. Et je trouve qu'avec l'opération milliard, vous travaillez un peu à faire en sorte qu'on se dise mais c'était tellement évident, comment est-ce qu'on a pu faire pour attendre autant de temps, pour perdre autant d'années pour en fait financer celles et ceux qui contribuent objectivement à répondre aux enjeux de notre époque. En un mot, est-ce que tu peux me dire un peu jusqu'à quel point vous avez en tête cette notion de désirabilité, cette notion de mise en récit et comment vous y travaillez avec l'opération milliard, s'il te plaît ? Écoute, c'est encore une fois assez marrant et parlant que tu poses la question de cette façon-là. Moi, je dis souvent, le vrai sujet, c'est de ringardiser le capitalisme. Absolument, ouais, je suis d'accord. Et je le dis, moi je n'ai rien contre le capitalisme en fait. Je sais pas, je suis même pas dans cet état d'esprit ou cette dialectique, c'est pas ça. C'est que moi je ne veux plus vivre de la façon dont le marché me propose de vivre. Et je ne le veux plus, bien sûr, j'ai conscience des sujets écologiques, bien sûr. Mais c'est juste que je ne trouve pas là mon plaisir. Je ne trouve pas mon plaisir dans le fait d'aller faire 3 jours de ski à fond les ballons, de descendre en voiture dans quelques stations de ski que ce soit des Alpes, je ne veux pas en mentionner une en particulier, pour être 12 000 sur des remontées mécaniques, descendre la montagne à toute vitesse sans prendre le temps de la voir, de la sentir, de la palper, d'être à son contact, pour me retrouver en bas des pistes dans de la neige à moitié fondue. Je n'ai plus ce désir-là. Je n'ai pas de désir d'aller visiter Rome en 2 jours et demi en avion et en ne voyant pas les paysages magnifiques qui relient la terre d'Île-de-France la terre de Rome. J'ai envie de traverser les paysages. Et donc, là, je dis ce que je ne veux plus, mais en contrepoint, qu'est-ce que je veux ? Je veux avoir le temps d'être dans la montagne et d'entendre les ruisseaux, les étoiles, le vent dans les herbes, le vent dans les arbres, de voir la neige scintiller, de la traverser, d'en sentir le froid et d'en sentir la matière. Je veux avoir ce temps-là. Je veux avoir le temps de traverser la si belle Europe avec mes enfants pour me rendre dans une capitale, quelle qu'elle soit, et à comprendre ce que ça veut dire de traverser ces paysages, ces peuples, ces langues, cette histoire. C'est ça mon désir à moi. Et donc, ce que je promeux et ce que nous promeuvons tous à travers toutes ces actions qu'on cherche à financer à travers l'opération Milliard, eh bien, c'est de pouvoir accéder à ces plaisirs-là, à ces plaisirs complets, c'est-à-dire qui font de nous des hommes et des femmes complets, heureux de vivre, heureux d'habiter la Terre. Et donc, je pense que tu peux remplacer le mot plaisir par le mot joie. Le plaisir est fugace, là, la joie est profonde. Et dans ce que tu racontes, il y a de la joie profonde qui nous remplisse vraiment. Absolument. Alors, le mot m'est venu comme ça, mais tu as raison, le mot joie est beaucoup plus proche de ce que je voulais dire. Et cette joie-là, moi, je ne veux plus avoir à la négocier. C'est-à-dire, nous avons nos vies, et nos vies doivent être pleines de cette joie-là. Et donc, je propose que nous refusions toutes les forces qui nous empêchent d'y accéder. Et je m'aperçois d'un double mouvement. C'est que, tu vois, il y a quelques années, quand je disais qu'il faut ringardiser le capitalisme, on se disait, comment on va faire, etc. Et je vois que d'un côté, le capitalisme, dans ses formes oligarchiques, pétrolières, etc., parce qu'il se radicalise. C'est ces forces-là qui se radicalisent aujourd'hui. Hein. Parce qu'il se radicalise... se ringardise d'autant plus vite. Donc ceci, je le constate. Je constate aussi que il est soutenu aujourd'hui dans cette transformation, à tort ou à raison, mais assez massivement par la population. Et donc, on est pris aujourd'hui dans cette forme d'étau. Et c'est pour ça, je vais finir peut-être mon propos là-dessus, mais ce que je crois que nous avons aujourd'hui de plus profond à adresser, c'est un problème de temporalité. C'est-à-dire qu'on est pris dans des temporalités différentes. On a la temporalité du court terme, dans laquelle on voit bien que des forces qui vont contre notre joie sont portées démocratiquement. Et donc, là, on a un problème temporel spécifique. On voit bien qu'on a, sur du moyen terme, nécessairement, le fait qu'on va réussir à dépasser ça. Et ça... On va en parler, Bastien. Je t'interromps tout de suite parce que le moyen terme, on va y aller en 2030, Glorieuse. J'ai envie de t'entendre me raconter comment on a réussi, d'accord ? Excuse-moi de t'interrompre, le temps file et je vais essayer de faire en sorte que mes interventions soient les plus réduites possibles pour te donner le plus de place parce que vraiment, c'est très très chouette cet échange-là. On va partir en 2030, Glorieuse, mais avant, il y a toujours cette bulle de respiration à travers une lecture. Toi, tu nous apportes comme ça une vision des 2030, Glorieuse, des valeurs que tu as envie de voir s'y déployer en 2030. Glorieuse à travers un texte. Quel est-il? De qui vient-il? Et pourquoi tu voulais nous le dire, s'il te plaît? Écoute, donc, répondant à ta demande et réfléchissant un petit peu, j'ai eu envie de lire un texte, un extrait d'un texte, d'un discours qu'a prononcé Jean Jaurès à Albi en 1903, que je vais lire tout de suite, mais qui pour moi... adresse les notions dont on a discuté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la question de la confiance, la question de la démocratie et de l'état de droit, et la question de la paix de l'Europe. Les hommes qui ont confiance en l'homme savent cela. Ils sont résignés d'avance à ne voir qu'une réalisation incomplète de leur vaste idéal qui lui-même sera dépassé. Ou plutôt, ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie. Ils sont pleins d'une sympathie déférente et douloureuse pour ceux qui ayant été brutalisés par l'expérience immédiate, ont conçu des pensées amères. Pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude, d'abaissement et de réaction, et qui, sous le noir nuage immobile, ont pu croire que le jour ne se lèverait plus. Mais eux-mêmes, ces hommes qui ont confiance en l'homme, se gardent bien d'inscrire définitivement au passif de l'humanité qui dure les mécomptes des générations qui passent. Et ils affirment, avec une certitude qui ne fléchit pas, qu'il vaut la peine de penser et d'agir, que l'effort humain vers la clarté et le droit n'est jamais perdu. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Écoute, on partagera si tu veux bien et que tu veux m'envoyer la suite du texte, on le partagera dans les commentaires parce que je pense que ça a donné à envie à d'autres que moi, et moi en l'occurrence aussi, de le lire dans son entièreté, ce texte qui tombe bien, je trouve, et qui résonne encore mieux avec l'époque. On est en 2030 glorieuse, ça y est, Bastien, on le décrète. On a réussi. Les 2030 glorieuses, effectivement, elles ont commencé à l'époque, 2028, 2030, 2032. On le décidera ensemble si on le veut ou pas. On n'est pas obligé de se justifier. Mais peut-être que toi, tu es en 2036, peut-être que tu es en 2038, peut-être que tu veux nous le dire, peut-être que tu veux nous laisser l'imaginer. C'est à toi de décider, ok ? En 2030 glorieuses, l'humanité s'est mise à la hauteur des enjeux de notre siècle. Tout n'est pas résolu, on a encore beaucoup de chantiers, beaucoup de contradictions, on a du pain sur la planche pour le dire rapidement, et à la fois on sent quand même qu'on y met de l'énergie et qu'on est passé à l'âge adulte, qu'on regarde ces enjeux droit dans les yeux et qu'enfin on va dans le bon sens. On a une démarche qu'on pourrait qualifier de constructive, juste, à la hauteur, moi comme je le dis en général, des enjeux de ce siècle. Dis-moi, toi, en 2030 glorieuse, en les décrétant, en parlant au présent, qu'est-ce que tu y vois depuis ta fenêtre, pardon ? Comment tu les vois, les 2030 glorieuses, depuis ta fenêtre, toi, Bastien ? Alors, moi, ce que je vois dans ce temps où on aura su dépasser les apories de nos systèmes économiques, moi, je vois... D'abord, un moment dans lequel la valeur est mise au bon endroit. Et alors, quand je dis ça, ça n'a l'air de rien, mais en fait, il y a toute une chaîne de conséquences à ça, c'est-à-dire que, globalement, la richesse soit affectée à ce qui fait sens pour nous, et on voit bien que c'est pas le cas aujourd'hui, à ce qui vraiment a de la valeur sociale. On voit bien que, par exemple, si je te prends l'échelle des salaires, si on se place dans les 2030 glorieuses, alors comme 2030 c'est dans 5 ans, j'ai toujours un peu de mal avec cette date, enfin c'est pas grave. C'est pour ça que je t'ai dit, on peut être en 2032, en 2035, ouais. On peut être dans 15 ans, en 2040, si tu veux, Bastien, c'est toi qui décides. Le sujet, c'est une fois qu'on y est. Bah, une fois qu'on y est, si tu veux, des métiers aussi importants que... les métiers des enseignants et des enseignantes qui apprennent à nos enfants comment vivre en société ensemble, qui leur apprennent ce que fut notre histoire et ce que sont nos règles d'aujourd'hui, qui leur apprennent des choses aussi fondamentales que les mathématiques, que leur langue, que tout ça, eh bien, soient rémunérés à un niveau qui soit comparable à d'autres actions qui sont importantes, hein, mais qui ne sont pas plus importantes. J'ai pas envie de citer des métiers parce que je veux surtout pas pointer du doigt, mais on voit bien qu'il y a des métiers aujourd'hui qui sont très rémunérateurs. À l'époque, tu veux dire en 2025 quand on se parlait, bien sûr. Pardon, à l'époque nous avions des métiers qui étaient très très très bien rémunérés, alors que leur plus-value sociale n'était pas plus importante que celle des instituteurs ou des professeurs par la suite. Donc ça, pour moi, reconnaître ces valeurs-là, et du coup les reconnaissant, bah, ça veut dire effectivement que je suis heureux qu'aujourd'hui, en 2030 glorieuse, la richesse soit plus également répartie.

votre société. Donc bravo pour ça. Est-ce qu'il y a un autre point de bascule que tu voulais mentionner là, qui nous aiderait à comprendre comment on a atteint ces 2030 glorieuses? Bah, je pense que ce que tu mentionnes là a été un moment très très important, c'est-à-dire le moment où effectivement nos concitoyennes, nos concitoyens ont eu la possibilité et du coup la puissance afférente de reconsidérer ce qui avait de la valeur pour eux. Et peut-être que du coup l'autre temps qui a compté, c'est la transformation de cette convention sur le plan de la régulation, parce que la transformation de l'économie, à un moment, elle passe, bien sûr qu'elle passe par les marchés, et c'est très important, mais elle a aussi besoin d'éléments de régulation. Il faut que l'État puisse jouer son rôle. Et donc sans doute que ce moment de bascule suivant celui-ci, qui a finalement été une étincelle citoyenne, mais c'était important, puis cette étincelle est devenue sans doute une puissance nécessaire, mais c'est le moment où l'Union européenne, cherchant précisément à écrire une voie différente de celle proposée par l'Amérique du Nord, a su mettre cette proposition de valeur au centre d'une stratégie économique différenciante sur le plan international, et qui a fait de l'Europe le champion international économique, civil, culturel, de la transition juste, et qui fait qu'aujourd'hui l'Europe a repris une place dans le concert géopolitique tout à fait intéressante. Donc ce moment-là de bascule des institutions européennes, je crois, a été sans doute crucial. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où on a décidé, en tant que Français, de changer d'hymne et d'utiliser le texte d'Eri De Luca, que tu connais peut-être, et qui dit « j'attache de la valeur ». Si vous ne le connaissez pas, et si tu ne le connais pas, Bastien, je t'invite à écouter le passage qui nous avait été lu à l'époque par le fondateur du Social Bar, Renaud Seligman, à qui j'avais donné la parole dans le podcast 2030 Glorieuses, et qui nous a lu ce passage absolument éblouissant d'Eri De Luca, qui nous dit à quoi il attache de la valeur. Et aujourd'hui, d'en avoir fait un hymne, une chanson, je trouve que ça dit bien aussi l'évolution de la société française. On a parlé de ces sujets, on a parlé des indicateurs et de comment on protège cette valeur, comment on continue à la déployer. Et c'est mes deux dernières questions pour toi, Bastien, un peu rapide, parce que en plus le temps file vraiment beaucoup trop rapidement. Comment on continue à déployer cette valeur? Est-ce que toi, par hasard, ce que tu fais en 2030 Glorieuse, ça ne contribue pas aussi à protéger ou à continuer de déployer ces nouvelles valeurs? Bah, je pense que une des dimensions de la question étant très culturelle, hein, je pense que la façon de continuer à déployer cette valeur, c'est continuer à transmettre ces éléments de valeur qu'on a déterminés tous et toutes ensemble. Donc je pense que l'éducation est sans doute aujourd'hui, puisqu'on se place dans un cadre post-transition, après 2030, le fait d'investir massivement dans l'éducation de nos enfants pour que ce que nous avons amorcé, nous, pendant notre génération en termes de transition, puisse être porté encore plus loin. Donc l'éducation, mais aussi la recherche, je pense que c'est très très important. Et c'est ce que tu fais toi en 2030 Glorieuses, Bastien ? Sans doute. Si jamais on revient tout doucement en 2025 à l'époque, et que les personnes qui nous ont écoutés, elles disent « mais en fait, bien sûr que cette vie de valeur, cette vie valeureuse, je la souhaite pour moi sans attendre », par quoi elle pourrait continuer ? Quelle est l'étape qui les attend et dont elles vont se saisir à la fin de cet épisode des 2030 Glorieuses ? Alors, qu'est-ce que tu suggérerais, toi ? Je sais que c'est jamais évident de donner un conseil et un seul, mais s'il y avait une perche que tu voulais tendre. Tu veux dire pour les gens qui nous écoutent, pour aller vers les... Ces 2030 glorieuses, ces 2030 glorieuses valeureuses, comme on les a racontées pendant quelques minutes ensemble. Bah, écoute, je voudrais revenir sur ce qu'on se disait sur la joie. Moi, je pense qu'il faut que chacun et chacune vive sa joie de la façon